Les éditions de l'avenir présentent Les Conjurés d'Alaspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 16. Chapitre 9. Arx écoutait avec attention les explications que lui donnait l'émir. L'Antilan savait que ses chances de survie étaient faibles et que chaque renseignement transmis par l'Ilt pouvait lui être utile. Aussi, pour une fois, mettait-il de côté son insouciance naturelle afin de se concentrer sur l'action qu'il allait devoir mener. Alors que l'octopode prenait rapidement congé de ses amis et retournait sur ses pas après s'être muni de leur dernier radiant lourd, le mulot castor soupira. « Il est bien dommage que je ne puisse pas utiliser mes facultés parapsychiques. Cela aurait simplifié les choses. Je reprends progressivement des forces et j'espère d'ici quelques heures être totalement opérationnel. » Malheureusement, le temps presse, et il faut tenter de fuir avant que toute la planète nous resserfe. Je suppose d'ailleurs que Monterni ne va pas tarder à nous retrouver. Heureusement qu'il a encaissé de plein fouet un tir de Radiansoc, et que cela a dû sérieusement secouer son cerveau, sinon notre cavale serait déjà terminée. Nous allons encore laisser 6 minutes à Arx, et nous nous aventurerons sur le tarmac. De là, nous essaierons de rejoindre le boss alors. Je croyais avoir compris que tout un corps d'armée nous attendait à la sortie. Si tout se passe bien, il ne nous attendra plus. Arx avait atteint une issue de secours pour quitter le couloir principal, mais il se retrouva à l'air libre. Aplati sur le sol en plastométal, il observa les alentours. Ses organes de vision périphérique lui permirent de vérifier en une fraction de seconde que nul n'avait été témoin de son apparition. Le soleil double qui éclairait le monde de l'Aspar en avait encore pour quelques dizaines de minutes avant de disparaître derrière l'horizon. En attendant, il allongeait des ombres jumelles sur tout ce qu'il touchait de ses rayons déclinants. Mais l'Antilan n'avait guère l'âme poète, il se désintéressa totalement des astres solaires. Devant lui, s'étendaient l'astroport et les multiples vaisseaux qui y stationnaient. Il lui fallut quelques instants pour repérer l'appareil qui les avait amenés sur Plogan. Dans sa tête se disputaient les recommandations de l'émir et ses propres conceptions de l'action à mener. Mais, malgré sa propension à se considérer comme le meilleur, ce qui était d'ailleurs peut-être le cas, il s'attacha à suivre les consignes du mulot castor. S'il voulait que ses compagnons puissent avoir une chance de s'en sortir, il fallait qu'il force à se déplacer la troupe située entre les couloirs d'accès et le lieu de stationnement du vaisseau spatial sur lequel ils avaient jeté leur dévolu. En rampant, son corps polymorphe coulant littéralement sur le sol, il contourna le comité d'accueil et s'éloigna en direction de plusieurs véhicules blindés qui se tenaient à l'écart, leurs canons braqués sur les différentes sorties de la ville souterraine. Il parvint ainsi rapidement jusque sous les chenilles d'un char qu'il avait estimé apte à servir son plan. Se redressant lentement, il put constater qu'apparemment, personne ne s'était aperçu de sa présence. Il ne possédait pas de montre, car cela lui était d'aucune utilité. Une de ses multiples facultés lui donnait une idée précise du temps qui passait et, instinctivement, il savait qu'il lui restait environ 90 secondes avant que ses compagnons tentent une sortie en direction du boss alors. Il lui fallait donc agir en moins d'une minute et demie. En souplesse, il se hissa à l'arrière de l'engin qu'il avait décidé d'utiliser, une sorte de mini-triscaf dont l'accès se faisait par le haut et qui ne nécessitait la présence que de 2 hommes. Un de ses pseudopodes débloqua l'entrée de la tourelle. De même élan, il rabattit le couvercle et se laissa choir à l'intérieur. Les 2 soldats ne virent pas arriver la mort qui leur tombait dessus. L'octopode repoussa les 2 cadavres aux nuques brisées et s'installa aux commandes. Il ne s'était pas passé 15 secondes entre le début de l'action et sa prise de possession du véhicule blindé. Il démarra le moteur et entreprit lentement de reculer. Au bout de quelques instants, un ordre fusa dans son récepteur. « Sergent Kirk, qui vous a demandé de vous déplacer ?» Son multi-regard lança des éclairs et un de ses membres caoutchouteux se posa sur la commande de la centrale de tir. Dans le même instant, il accéléra son retrait et appuya sur la manette faisant fonctionner le canon à impulsion. Celui-ci se mit à cracher la destruction tout autour de lui dans un mouvement rotatif. Frappé de plein fouet, leurs écrans protecteurs abaissés, de nombreux engins furent pulvérisés tandis que des débris incandescents s'abattaient parmi les hommes de troupe. Instantanément, la panique la plus complète régna sur cette partie de l'astroport. L'Antilan accéléra sa retraite, s'éloignant dans la direction opposée à celle où devaient se rendre ses compagnons. Après ce moment de flottement, les soldats pluganais se reprirent et, obéissant aux ordres reçus, se lancèrent à l'assaut du véhicule. Ce dernier augmenta son allure, se dirigea en zigzagant vers un groupe d'astronefs de différents tonnages, Axe étant persuadé que ses poursuivants allaient hésiter à lui tirer dessus de peur de toucher des navires de leur propre flotte. Dès le début de la canonnade, l'émir, qui avait l'œil fixé sur sa montre, lança à ses amis « Dans 5 secondes, nous sortons. Le Bossalor est à proximité, le 3e sur notre droite. » Et il s'agrippa au cou de Rick, qui l'empoigna solidement, tandis que Steve, en force, soulevait le corps de Root Black Bear et le hissait sur son épaule en maugréant. Devrait faire un régime de basse calorie, l'animal. » Mazas prit la tête de la petite colonne et jaillit à l'extérieur, le radiant choc braqué en avant. Le jeune soldat qui se trouvait devant l'entrée du couloir n'eut pas le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Telle une tornade, la Carzassienne s'abattit sur lui, lui assénant un coup de crosse au visage qui l'envoya au tapis pour le compte. Puis, sans se soucier de sa victime, elle entama une course rectiligne en direction de son but qui se dressait vers le ciel assombri par le crépuscule naissant. Suivie de son frère et du pilote, transformée en porteur, elle atteignit le Bossalor, majestueux avec ses 500 mètres de long et son diamètre de 150. Grâce à l'intervention d'Arx, nul ne songeait plus à surveiller les sorties de la ville souterraine et ils purent atteindre leur objectif, apparemment sans avoir été vus. Un peu essoufflé, surtout Steve, qui déposa avec plaisir Rood contre l'un des étançons, ils patientèrent quelques instants, tout surpris d'avoir réussi à parvenir jusqu'à là sans dommage. Lilt, dont le corps était traversé par des spasmes douloureux, essayait de se concentrer pour déterminer si du personnel se trouvait à bord du vaisseau. « Je perçois 4. Non, 5, c'est ma manteau. 2 se trouvent au niveau 1, les 3 autres au poste de pilotage. Ces derniers s'étonnent de ce qui se passe sur l'astroport, mais ne soupçonnent nullement notre présence sous leurs pieds. » « Parfait. Il n'y a donc aucune raison pour qu'ils aient verrouillé le sas d'entrée, qui reste généralement ouvert lorsqu'un vaisseau stationne avec du personnel à bord. » En quelques mots, ils décidèrent de l'opération à mener. Nous allons emprunter le plan incliné qui sert à transporter le fret, puisqu'il est déployé. Il serait par contre surprenant que la porte d'accès aux soutes soit libre. Aussi, arrivé en haut, il faudra sauter sur la plateforme élévatrice qui mène au sas. Il y a environ 4 mètres à franchir dans le vide. Ce n'est pas trop compliqué pour un mercenaire, mais j'ignore si c'est dans les corps d'un pilote. Si je ne suis pas obligé de trimballer l'Indien sur mon dos, je devrais y arriver. La réaction de Steve, attendue, fit sourire l'agent de l'OMU. L'émir, nous allons vous laisser là, Rood et toi. Nous viendrons vous récupérer dès que nous nous serons rendus maîtres du Bossalor. Lilt approuva d'un hochement de tête, se contentant d'ajouter. Bonne chance. Va en falloir. Abandonna le Cherokee, toujours inanimé. Et le mulot Castor, qui commençait à se sentir un peu mieux, ils s'engagèrent sur la bande transporteuse, présentement à l'arrêt, qui menait à l'entrée de soute. Priant le ciel de ne pas être aperçu pendant leur trajet, ils s'élancèrent, penchés en avant, et parvinrent sans encombre jusqu'à la coque du navire. Comme ils l'avaient craint, la porte était verrouillée. Mazas fit la grimace en estimant la distance qui les séparait de la plateforme d'accès au sas. Ses compagnons avaient fait de même. 4 mètres, hein? Il va falloir que tu révises le compas que tu as dans l'œil. Rick plissa les lèvres en une petite moue pensive. Il y a au moins 5 mètres. Mais ça reste toujours dans les limites du possible. Sa sœur déposa le radiant choc sur le plancher métallique afin de s'assurer que sa combinaison ne gênerait pas ses mouvements. C'est moi la plus légère. Je vais sauter la première. Et vous me lancerez mon arme quand je serai de l'autre côté. Puis, j'irai jeter un coup d'œil à l'intérieur. Avec un peu de chance, je trouverai un filin d'arrimage que je pourrai vous envoyer pour vous assurer. Dommage que tu ne puisses pas nous ouvrir la porte depuis l'intérieur. Le risque est trop grand pour qu'en la déverrouillant, je déclenche une alarme. Les deux hommes étaient un peu gênés de laisser prendre de tels risques à la jeune femme, mais ils avaient conscience que c'était elle qui avait le plus de chances de réussir. Arx glissa son véhicule entre les étançons d'un vaisseau sphérique, ce qui stoppa instantanément les tirs qui lui étaient destinés. Mais, comme lui n'avait pas les mêmes scrupules que ses adversaires, il en profita pour faire pivoter la tourelle et expédia plusieurs salves en direction de l'ennemi. Il était à présent à plus de 1500 mètres de l'endroit où se trouvait le boss alors, et il semblait que sa ruse ait été couronnée de succès car tout ce qui portait un uniforme sur l'astroport était lancé à ses basques, apparemment persuadé que tous les évadés se trouvaient à bord du blindé. Comme il pensait avoir encore un peu de répit avant une confrontation rapprochée avec ses poursuivants, il maintint son allure, se faufilant avec adresse entre les piliers de soutènement des appareils posés sur le tarmac. Mais il n'allait pas tarder à atteindre l'extrémité de l'aire de stationnement et les limites du complexe aéroportuaire, ce qui allait l'obliger à faire face avec, pour seule issue, sa fin prochaine. Le natif d'Antilla n'était pas plus suicidaire qu'un autre, mais lorsqu'il s'était proposé pour cette mission, il savait parfaitement qu'il n'avait qu'une chance infime de sauver sa peau. Cependant, depuis le décès de son ami Sendorf, qui avait été plus qu'un frère pour lui, la vie semblait avoir moins de charme pour l'octopode, bien qu'il ait reporté sur Mazas la profonde amitié qui le liait au chasseur. C'est pourquoi il envisageait sa disparition prochaine sans trop d'amertume, heureux si son sacrifice pouvait permettre à la jeune femme et à ses compagnons de s'enfuir. Cependant, on perd difficilement l'habitude de vivre. Aussi, malgré sa situation désespérée, il n'avait pas l'intention de laisser échapper la moindre occasion si elle venait à se présenter. Si c'était déjà sorti de conditions très scabreuses, il devait s'avouer que celle-ci était de loin la plus sérieuse. Conscient que toute minute gagnée était profitable à l'émir et à ses amis, il fit faire demi-tour à son engin et se mit à tirer en visant les étançons des astronefs qui se trouvaient entre lui et ses poursuivants. Frappés au niveau de leur point d'appui, deux vaisseaux s'affaissèrent au sol, bousculant leurs voisins dans leur chute, ce qui entraîna la disparition des véhicules qui convergeaient vers lui. Arx fonctionnait beaucoup à l'instinct et, en une fraction de seconde, il décida de profiter de cet état de choses. Bloquant les commandes de tir sur automatique, il programma la tourelle pour qu'elle pivote lentement sur elle-même. Puis, saisissant le radiant et le désintégrateur qui avaient appartenu à l'une de ses deux victimes, il déverrouilla la trappe d'accès et quitta le blindé, se coulant littéralement le long de la carrosserie, avant de s'aplatir à l'abri des piliers de soutènement d'une gazelle. Ignorant si sa manœuvre avait été observée par ses adversaires, il s'immobilisa, blotti derrière la structure de Terconnette. Constatant que le véhicule dérobé n'hésitait pas à expédier ses missiles sur la flotte stationnée sur l'astroport, les occupants de l'engin qui entreprenaient de l'encercler, certainement poussés par leur chef fou de rage, dirigèrent un feu d'enfer sur leur cible sans s'occuper des vaisseaux qui avaient le malheur d'être sur leur trajectoire. Touché par de multiples coups obus, le blindé éclata comme une noix, projetant des débris métalliques à 200 mètres à la ronde. Miraculeusement protégé, l'Antilan n'eut à déplorer qu'une brûlure au niveau de l'un de ses pseudopodes lorsqu'une pièce chauffée au rouge tomba à proximité de son refuge et rebondit sur lui. Dès la destruction du char de combat, des soldats munis de propulseurs dorsaux et qui s'étaient tenus à l'écart du combat s'envolèrent dans sa direction. Arx savait que, dans quelques secondes, il serait sur place et il chercha désespérément un autre endroit pour se cacher. Mais pour cela, il lui fallait quitter la protection de son abri avec la quasi-certitude de se faire repérer. Il ne lui restait donc plus qu'une seule cachette possible, le logement des étançons 6 mètres au-dessus de sa tête. Aussitôt, il entreprit l'escalade, chose impossible pour un être humain, mais dans les cordes d'un octopode aux membres munis de ventouses. Il parvint juste à se glisser dans la cavité au moment où les premiers ennemis se posaient près des restes encore incandescents du blindé. Les gens de la Spar se mirent aussitôt à fureter dans les débris, mais au bout de quelques minutes, ils purent conclure que ceux-ci ne recelaient que les cadavres des deux soldats qui en avaient la charge. La stupéfaction fut à son comble, néanmoins, l'un des officiers se reprit aussitôt et lança dans son minicom « Les fuyards ont disparu. Amenez un couple de Lycos. Ils ne mettront pas longtemps à retrouver leurs traces. » Arx frissonna. Ces pseudo-félins étaient ce qu'il se faisait de mieux en matière de pisteur et il ne tarderait pas à trouver sa cachette. Ce serait alors l'Alali. Fataliste, il vérifia le bon fonctionnement de ses deux armes et s'installa le plus confortablement possible sur le mécanisme en métal, prêt à vendre chèrement sa vie. Mazas effectua deux ou trois mouvements d'assouplissement avant de prendre le plus de recul possible. Rick ne prononça pas la moindre parole, mais serra brièvement l'épaule de sa sœur. Steve, quant à lui, bredouilla quelques paroles d'encouragement. La largeur de la bande transporteuse n'excédait pas 6 mètres, ce qui limitait sérieusement la piste d'élan. La jeune femme se concentra quelques instants, secoua ses mains pour se décontracter, et s'élança. Arrivée au bord du plancher de métal, elle se ramassa sur elle-même et bondit, libérant toute la puissance de ses muscles. Une fraction de seconde, elle parut suspendue entre ciel et terre, puis elle retomba, la pointe des pieds reposant sur l'extrême bord de la plateforme. D'un coup de rein désespéré, elle parvint à garder son équilibre et termina sa chute par un roulé-boulé impeccable. Puis, elle se releva en souplesse et adressa un sourire à ses compagnons. Un même soupir de soulagement s'échappa des lèvres des deux hommes qui prirent alors conscience qu'ils avaient instinctivement retenu leur souffle. La Cassassienne leur fit signe de lui expédier son arme et le pilote s'exécuta. Avec adresse, elle la récupéra au vol, la glissa sous son bras et, après un dernier geste de la main, elle se glissa dans l'entrebâillement de la porte du sas, tous les sens en éveil. Mais sa méfiance était sans objet car la petite chambre étanche était vide. Elle jeta un regard à travers le hublot qui donnait sur l'intérieur du vaisseau, n'apercevant que l'amorce d'un couloir faiblement éclairé, lui aussi sans la moindre présence humaine. Sans plus tergiverser, le temps était compté, elle empoigna le volant de verrouillage manuel et le fit tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Avec un léger chouettement, le battant sortit de son logement et elle n'eut plus qu'à le faire basculer sur le côté pour pouvoir pénétrer dans le boss alors. Elle resta un moment immobile, l'oreille à l'affût d'un signe indiquant que son intrusion n'était pas passée inaperçue. Mais un silence profond régnait dans les entrailles du grand vaisseau et, un peu rassurée, elle s'engagea dans le couloir qu'elle parcourut sur une dizaine de mètres avant de parvenir à une porte dont le sigle, universellement connu, indiquait l'accès aux soutes. Comme il s'agissait d'un système à ouverture thermique, elle appuya la paume de sa main sur la plaque sensitive. Le panneau mobile glissa à l'intérieur de la paroi, découvrant une vaste salle entièrement vide. Elle y pénétra, son regard cherchant quelque chose qui puisse lui permettre d'aider Rick et Steve à la rejoindre. Une haussière, servant à arrimer le matériel léger entreposé en ce lieu, lui parut convenir. Il y avait cependant un problème, elle était fixée au mur par une manille. Cependant, la jeune femme ne manquait pas de ressources et elle enleva sa ceinture, afin d'en utiliser l'ardillon, pour desserrer la vis de fixation, ce qui, à son grand dam, lui prit plusieurs minutes. Il n'avait aucun mal à imaginer la situation de ses compagnons qui devenait de plus en plus critique au fur et à mesure que le temps passait. Si personne ne découvrait leur présence tout en haut de la bande transporteuse, cela tiendrait du miracle. Mais finalement, elle eut en main le filin qui allait l'aider à amener son frère et le pilote jusqu'à elle. Elle se hâta de retourner vers la porte du sas, prenant quand même la précaution de s'assurer qu'il n'y avait toujours pas âme qui vive dans le couloir. se faisant aussi petit que possible à l'extrémité de la bande transporteuse, ses deux compagnons avaient l'impression d'être aussi visibles que des mouches dans le bol de lait. C'est dire si son retour leur ôta un gros poids de la poitrine. Ils expédièrent leurs armes à la jeune femme qui, en échange, leur envoya une extrémité du câble qu'elle avait ramené. Rapidement, Rick l'attacha à la taille de Steve, vérifia l'efficacité des nœuds et lui souffla. « Vas-y. » Le jeune homme recula aussi loin que possible, s'assura du regard que, sur la plateforme en face de lui, l'agent de l'EMU était prêt à l'aider dans son saut en le tirant vers elle. Puis, il s'élança. Il poussa sur ses jambes comme un forcené, mais malgré tout, alors qu'il était dans les airs, son but lui parut soudain hors de portée. Il se voyait avec horreur chuter dans le vide lorsqu'une violente traction au niveau des reins le propulsa en avant et il se reçut avec plus ou moins de bonheur sur le sol en terre cuite. Quelques instants plus tard, Rick s'affala à ses côtés, lui aussi, grâce au concours de sa sœur. « Ouf! J'ai chaud! Sans toi, je faisais un grand vol plané! » Elle lui tapota l'épaule en désignant le battement entrouvert. Les remerciements, ce sera pour plus tard. Il faut d'abord rentrer dans le boss alors avant d'être repéré. Il ne leur fallut que quelques secondes pour se réfugier à l'abri des regards extérieurs. Espérons que notre escapade n'a pas eu de témoin. Murmura Rick alors qu'il parcourait les coursives désertes. Je ne le pense pas. Sinon, les occupants du vaisseau auraient été alertés. Or, on n'entend pas le moindre bruit. S'ils nous attendent pour nous piéger, ils n'ont pas intérêt à attirer notre attention. Remarque qui eut le don de doucher quelque peu l'optimisme naissant d'Irsing. D'après l'émir, il y a deux hommes au niveau 1. Information plutôt vague quand on connaît l'étendue de cet étage. C'est pourquoi je propose que Rick se planque près du puits antigrave et attende que les deux types se montrent. Pendant ce temps, avec Steve, nous allons poursuivre jusqu'au poste de navigation et essayer de surprendre ceux qui s'y trouvent. Comme cela, notre pilote sera tout de suite à pied d'œuvre et pourra se familiariser avec les commandes pendant que nous irons récupérer nos deux amis qui doivent commencer à se morfondre au pied du navire. Arx, dissimulé derrière le mécanisme permettant aux étançons de sortir et de se rétracter, contemplait la cinquantaine de soldats vêtus d'un treillis bicolore, noir et gris pâle, qui continuait à se déplacer parmi les débris du char. Soudain, l'officier qui les commandait releva la tête. « Les voilà !» L'antila crispa ses lèvres cornées. Il savait qu'à présent, sa fin était proche. Un véhicule sur coussin d'air s'arrêta, et deux épanis, tenant chacun un hélico en laisse, en descendirent. Ces humanoïdes, dont un grand nombre étaient décadents, avaient mis au point une sorte de symbiose avec les animaux dont ils s'occupaient. Et le résultat était d'une redoutable efficacité. De fait, après que les bêtes eussent farfouillé parmi les débris, ils semblèrent se concerter, museau contre museau, puis, d'un seul élan, ils se précipitèrent entre l'un des piliers de soutènement d'une gazelle en hurlant d'une manière hystérique. L'officier Ploganer réagit avec violence. « Vos cabots sont-ils devenus fous ?»« Si l'hélico se sent quelque chose là-dessus, c'est que quelqu'un y est dissimulé. » Quelqu'un est-il capable de grimper le long des 6 mètres d'un étançon parfaitement lisse? Si Tosa et Tospa ont senti quelque chose, s'il y a quelque chose. Affirma l'un des deux épanis, dont les larges oreilles décollées se mirent à rougir sous l'effet de l'indignation. Troublé par cette déclaration de foi, l'officier tenta de reprendre un peu contenance. Il capitula. Parfait, nous allons vérifier. Il désigna 3 de ses hommes. « Montez là-haut et allez voir si tout est normal. Soyez prudents, on ne sait jamais. » L'un des soldats eut un sourire confiant. « Ne vous inquiétez pas, Major. » Activant les sustentateurs dorsaux, ils commencèrent à s'élever vers le logement des piliers de stationnement. Arx, fataliste, leva le désintégrateur. Lorsque les soldats parvinrent à sa cachette, il l'appuya sur la détente. Les 3 militaires furent instantanément effacés du paysage, l'incident déclenchant un début de panique parmi leurs collègues agglutinés sous la gazelle. En un instant, les Ploganais s'éparpillèrent dans toutes les directions et l'Antilan, pour une fois magnanime, ne profita pas de son avantage momentané pour améliorer son tableau de chasse. Il savait qu'il était parvenu au bout de la route, mais ils ne voyaient guère d'intérêt à massacrer de pauvres types terrorisés. Ils se contenteraient de se défendre contre ceux qui montraient à l'assaut. Une dizaine de minutes s'écoulèrent ainsi, puis des commandos munis d'écrans protecteurs commencèrent à se masser à proximité de son refuge. Sur un ordre de leur officier, ils s'avancèrent en dirigeant vers le logement des étançons un tir de barrage qui empêchait l'octopode de riposter. Il sut alors que c'était la fin. Est-ce que nous empruntons le puits antigrave? S'informa Steve. Oui, c'est silencieux et rapide. Et je te rappelle que nous sommes pressés. Plus le temps passe et plus nos chances de fuir diminuent. Ils se laissèrent porter par le flux ascendant, Rick les abandonnant pour garder le niveau 1 sous surveillance. Lorsqu'ils atteignirent l'étage supérieur, qui comprenait le poste de pilotage, la salle de communication et la centrale de tir, ils avaient les nerfs à fleur de peau. Ils n'avaient pas encore rencontré le moindre adversaire, mais ils savaient qu'il allait falloir surprendre ceux qui occupaient la centrale de commandement avant qu'ils aient pu en sécuriser l'entrée. Les caméras se trouvaient de place en place, le long du couloir qui menait au centre névralgique du vaisseau. Il suffisait qu'un des trois hommes jette un coup d'œil sur l'écran qui contrôlait la voie d'accès pour apercevoir les intrus, et Mazas ne pouvait pas se permettre de courir ce risque. Se forçant au calme, elle envisagea les solutions qui leur permettraient de s'approcher sans être vue. Une seule lui parut valable. En un instant, il retourna sur ses pas jusqu'à l'armoire, regroupant tous les systèmes électriques du Bas-Salor et qui se trouvait dans un renfoncement du passage. Il ouvrit le ventail et considéra pendant un moment la multitude de câbles multicolores qui s'offraient à son regard. Une moue de perplexité déforma ses lèvres. C'est alors que son compagnon s'approcha et lui murmura à l'oreille « Que veux-tu faire ? » « Couper le courant, le temps de traverser le couloir sans risque d'être vu. » « Ça, c'est de ma compétence !» Sans mot dire, elle se recula pour lui céder la place. Il observa les différents fils de couleurs et en sélectionna deux. « Si j'arrache ces deux-là, je coupe l'électricité dans tout le vaisseau. Mais il y a certainement un groupe de secours qui prendra le relais. » « Exact, mais il faut quelques secondes pour qu'il se mette en marche. À nous d'arriver au poste du pilotage avant sa mise en route. » « Ok, à toi de me donner le top !» Et, après avoir accroché son radiant sur l'épaule, il saisit un câble dans chaque main. « Dès que tu les auras arrachés, on foncera vers le poste. »« D'accord, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3 !» D'un geste brutal, il tira sur les deux fils. Instantanément, la lumière s'éteignit. Mazas avait déjà démarré en direction de la centrale de commandement. À longue foulée, il la suivit. Ils atteignaient la porte d'entrée lorsque le groupe électrique s'enclencha, illuminant d'un seul coup l'intérieur de la salle. Les trois hommes qui l'occupaient étaient encore en train de cligner des yeux sous l'effet de la lumière lorsque le flux des radiants chocs les expédia tout seul pour le compte. Et voilà le travail. Je vais rejoindre Rick et l'aider à éliminer les deux derniers membres d'équipage. Puis, nous irons récupérer l'émir et route pendant que tu prépares le départ du vaisseau. Ça ne va pas être du gâteau. Et que devient Arx dans l'histoire ? C'est ce qui me désespère. Mais j'ai peur que nous ne puissions plus rien faire pour lui. Sinon, toujours nous souvenir que c'est grâce à son sacrifice que nous allons peut-être réussir à nous échapper. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 9 de Mazas Pavel, conjuré d'Alaspar, par André Bory. Les interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Stevomirir Singh, Ezwa dans le rôle de l'émir, Aldor dans le rôle de Rick Pavel, Fred dans le rôle de l'officier d'Alaspar, Gabriel Jean dans le rôle du soldat d'Alaspar, Laurent dans le rôle de l'Espagnol et Christian Martin à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non Commercial Non Derivative et est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canablog.com. Merci de votre attention et à bientôt.